I'm in love, I'm in love. Share my way.

va pas, tout va bien, qu'est-ce que ça? Tout va bien, ça va pas, tout va bien, qu'est-ce que ça? Tout va bien, ça va pas, tout va bien, qu'est-ce que ça? Xa lạ với nỗi đau, bao giờ ta tìm được ra? Chẳng là con tàu đến nước sông. Show!